Allo Da Blast. Ouais gros. Bien ou quoi? Bien. Au fait, j'ai vu, tu faisais encore un stream, c'était gratuit là. Si, si. Et pourquoi tu prends pas d'oseille? Je sais pas, je comprends pas ton délire. Pourquoi t'écris des textes? Tu gagnes rien du tout. Explique cousin, c'est quoi ton délire? Moi si j'écris, c'est avant tout par passion. Au début j'écrivais déjà alors que je faisais pas de son. Toute façon la musique sert à embellir mes têtes. J'ai l'écriture dans le sang et le rap n'est qu'un prétexte. Besoin d'écrire ce que je déteste et aussi ce que j'aime. Mes envies, mes doutes et surtout ce qui me gêne. Quand toi t'es aigri tu cries, et pas moi j'écris. Quand t'es perdu tu pries, et pas moi j'écris. La feuille est un exutoire et j'y enferme ma rage. Mes peurs, mes joies, mes peines comme dans un garage. C'est ma drogue, moi je suis en manque de plumes et pas de shit. Je pose ça sur une prod et tant mieux si ça déchire. Si mes sons sont réfléchis, c'est parce que j'ai des questions. Chacun a ses problèmes et ma plume cherche les solutions. Donc je suis accro du son, je fais pas du rap devant rien. Et je vous les donne gratuits car ici pas ma vie ne vaut rien. Ah ouais ouais, je vois le délire carrément. Mais bon, moi je te le dis, frangin, tu devrais faire obligatoirement des sons comme les autres. Parce que là tes sons ils sont trop mélancoliques, tout ça. Voilà, les gens ils vont se lasser gros. Donc je sais pas, fais un petit peu comme tout le monde, tu vois, t'entends sur les ondes. Tout ça, parce que la vie de ma mère là, les gens ils vont même plus t'écouter. Écoute, moi faire comme tous les autres, ça me dégoûte. Je rap pour les miens et tant pis si personne m'écoute. Mon son est universel, rien à foutre d'universal. Demande à vice versa, on dénonce cet universal. Moi je kiffe faire ça, je surfe pas sur les modes. Tant pis si je squatte pas les ondes, car j'adhère pas à leur code. Leur tourne pour moi, donc je cherche pas le succès. L'objectif fixé, c'est juste contrôler mes excès. Et ce par mes textes, le rap c'est ma thérapie. J'ai besoin de ça et du foot pour ne jamais déraper. Donc faire du dirty south, moi ça m'intéresse pas. Je représente Torini mec, je viens pas d'Atlanta. Check mes attentats lyricaux, je sais que les bruits courent. Je calcule plus les jaloux et tout leur beau discours. Vas-y cours, après ta carrière à la Gilo. Mais ta Blast MC c'est juste un cœur et un stylo. Ouais voilà t'as raison mais tu fais genre je sais pas, quand t'écoutes on dirait que toi tu rappes juste pour toi, tu t'en bats les couilles. Mais j'ai bien vu sur les forums, sur internet, tout ça, les gens ils kiffent. Et c'est pas possible que tu restes indifférent à tout ça. Obligé tu kiffes, tu reçois des compliments, tout ça. Alors je sais pas, fais pas genre hein. Bah non. Bah non bien sûr, je crache pas sur les compliments. Je cherche un public honnête et pas des cons qui mentent. Je vais pas mentir, sur l'instru je me saigne. Car j'aime faire vibrer tous les refrains comme SNK ou Lono. Car ces mecs là me font avancer. Changer avec la ligne sur la meilleure façon d'ambiancer. Taper des bars en stud avec Larry Meriano. Prendre exemple sur rap et les black tech au piano. C'est sûr je kiffe entendre mes sons dans le quartier. Les faire tourner à mon zinc ou écouter à ma moitié. Checker les gars d'homicide pour des sessions freestyle. Passer du temps chez Blasta pour affiner les détails. Tout ça c'est de la bombe gros, ouais, et ça fait 10 piges. Merci à mon public, connaisseur mais pas fétichiste. C'est grâce à lui, si un meilleur niveau j'ai pris. Donc là je pense que t'as compris pourquoi j'écris, ouais. Moi j'écris pour toutes ces raisons. Je m'invente pas une vie, je rappe vrai, ouais. Mon rap c'est ma vie. Merci à ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Normal. Moi je rappe pas pour que les souviennent. Ok, j'ai mieux capté le délire là gros. Donc en fait le street c'est pour septembre 2009, c'est ça? Ouais c'est ça ouais. Ok c'est propre. Check. Check poteau.